France Inter. Et bonjour François Morel, c'est à vous. Bonjour. On dit que j'hésite entre la poésie et l'humour. C'est possible, mais surtout, je n'hésite pas quand la réalité l'impose, quitte à choquer, quitte à blesser, à donner un grand coup dans la fourmilière, à ruer dans les brancards, à soulever des lièvres, quand ce n'est pas à pratiquer ces trois activités en même temps, ce qui suppose, et vous n'en avez pas idée, une véritable dextérité. Venons-en au fait. Ça va faire mal. Si je dénonce aujourd'hui un scandale, ce n'est pas de gaieté de cœur, puisque le coupable de l'affaire que je mets en avant ce matin est un homme pour qui je porte estime et affection. Mes liens personnels devaient-ils entrer en ligne de compte et m'obliger à me taire quand s'impose la passion de la vérité ? Certainement pas. Vincent Delerme, puisque c'est de lui dont il s'agit, Vincent Delerme est l'auteur, j'emploie le mot auteur comme je dirais, auteur d'un délit, auteur d'un crime, Vincent Delerme est l'auteur de la chanson à obsolescence programmée. Vincent Delerme a délibérément conçu une chanson dont il savait pertinemment et en toute connaissance de cause qu'elle serait du jour au lendemain périmée, puisque l'allégation selon laquelle les filles de 1973 ont 30 ans ne saurait en aucun cas constituer une affirmation pérenne. Non, non, non, monsieur Delerme, les filles de 1973 n'ont pas 30 ans et n'importe quel fonctionnaire habilité à produire un acte d'état civil pourrait vous en apporter la preuve formelle. Comment peut-on, monsieur Delerme, tenir des propos aussi facilement contestables lorsqu'on a comme vous ambition par votre art d'élever les âmes ? Les filles de 1973 ont 30 ans. Il pourrait s'agir d'une erreur, mais force est de constater que l'on se trouve en présence d'une malhonnêteté assumée, d'une perversité déclarée, puisque lorsque la chanson est sortie en 2004 dans l'album intitulé Kensington Square, les filles de 1973, ne vous déplaise, monsieur Delerme avait déjà 31 ans. Comment aucun de vos collaborateurs, aucun de vos obligés employés par votre maison de disques, et j'imagine mangeant dans votre main, n'a eu le courage de vous faire remarquer que vous proffériez une contre-vérité qui, les années passant, n'allait que s'accentuer, risquant non seulement de tromper votre public, mais également de porter un discrédit définitif à l'ensemble de votre œuvre. Celle qui disait Éric Serra. En ce mois de janvier 2023, votre voix continue avec assurance, avec aplomb, de soutenir, contre toute vraisemblance, que les filles de 1973 ont 30 ans et d'ainsi duper un public essentiellement féminin, amadoué, anéanti par la puissance de votre séduction et prêt à avaler n'importe quelle couleuvre, pourvu que vous en soyez le charmeur. Alors moi, en ce mois de janvier 2023, je voudrais en priorité souhaitez du courage aux filles de 1973 qui, cette année, devront franchir fièrement un palier, un cap, une décennie, un chiffre rond, et leur dire peut-être avec moins de poésie que Vincent Delerme, mais avec plus d'exactitude, que les filles de 1973, désormais dans le cadre de la réforme de retraite qui pourrait entrer en vigueur dès le 1er septembre 2023, auront plus de trimestres que prévu à cotiser si elles veulent obtenir une retraite à taux plein.